One et Two et One, Two, Three. Pour moi, c'est con, mais je suis sûr. Quand même, on est frères, que ce mur ne retiendra pas la mer. Moi, c'est con, mais je suis pur. Je peux faire ta prière, que c'est dur, de régler ton affaire. Tordu mais sombre aussi, désespéré comme une vallée qui cherche sa pente. Puis t'as sauté, atterri. J'ai réussi. Ouais. Parfois je pense, oh. Moi c'est con mais je te dis que je connais mon père. Moi c'est con mais ma vie n'est pas la même galère. Dans la mienne j'ai réussi ce que toi tu espères, mais tu penses qu'avec lui la misère. Oh, t'es tordu mais sombre aussi, t'es désespéré comme une vallée qui cherche sa pente. Puis t'as sauté, atterri. J'ai réussi. Ouais. Parfois je pense, réduira en poussière. Le mur ne connaît pas ton père. Que c'est dur de régler ton affaire. Oh, oui c'est dur. Oh, oui c'est dur. Moi c'est con mais je suis sûr. T'es con mais on est frère. Que ce mur n'en tiendra pas la mer. Moi c'est con mais je suis pur. Tu veux faire ta prière. Que c'est dur de régler ton affaire. Moi c'est con. Je suis sûr, et quand même on est frères, que ce mur ne retiendra pas la mer. Moi c'est con mais je suis pur, tu peux faire ta prière. Que c'est dur de régler ton affaire. Moi c'est con mais je suis sûr, et quand même on est frères, que ce mur ne retiendra pas la mer. Moi c'est con mais je suis pur, tu peux faire ta prière. Que c'est dur de régler ton affaire. Moi c'est con mais je suis sûr, mais on est frère, que ce mur n'en tiendra pas la mer. Moi c'est con mais je suis pur, tu peux faire ta prière. Que c'est dur.